Depuis plusieurs années, seul devant Dieu, Nicolas médite et prie. Il a fui le monde. Et voici que le monde, à présent, vient à lui. Des pays proches et des pays lointains, où parvient le récit de sa vie, montent les pèlerins vers sa haute retraite.